me dit pas les mêmes. Mais c'est pas les mêmes. La première fois qu'on fait, on me remet les mêmes que le premier débat. Ouais, ouais, mais c'est tu sais que j'ai gardé ce qui ne foutait pas le bordel, et puis l'autre, c'est pas facile de trouver des gens qui veulent pas foutre le bordel. Ouais, c'est vrai, ça, moi, moi, c'est la première fois que je passe, mais Paul, je crois qu'il est déjà passé avec Paulou aussi. Non, moi, je suis sage, moi. Et Julie, est-ce que tu peux mettre un petit peu plus fort dans l'inter, s'il te plaît? Ouais. Tu prends pour qui, branleur? Bah, attends, moi, je suis dit, t'as un peu de la jouer, s'il te plaît? Bah, non, mais écoute, bon, jamais dernier, je suis DJ, ça a dit ça débat sur discothèque, moi, j'arrive, quoi, bon, voilà. Déjà, tu vas la fermer. Vas-y, mon classeur. Ah, déjà, tu vas te fermer, ok? Qui? Bah, toi. Attends, c'est moi qui parle comme ça, hein? Oui, c'est toi. Mais t'es qui, devant parler comme ça? Non, mais attends. C'est Gérard de Suresne. Attends, si t'es pas content, mon pote, tu raccroches, hein. Tu peux rester poli? Tu raccroches. Tu restes poli aussi. Non, mais tu raccroches, si t'es pas content. Si t'es pas content, tu raccroches, tu vas chez toi. Raccroche ton téléphone. François, fais une sucette à Gérard, ça va le calmer. Non, mais attends, tu la fermes, ok? Ouais, tu. Gérard, pourquoi tu nous parles comme ça? Et alors, je vous parle comme je veux, d'accord? Mais ouais, mais nous, si on t'insulte, dans ce cas-là, tu t'énerves. Et si nous, on se rebelle, hein. On se rebelle, les gars, tu la fermes. Vous choisissez. Vous choisissez. Gaffe, on se relève. Ah, mon gueule. Soyez zen, les gars. Non, les gars, soyez cool. C'est comme ça. C'est français, ça, mon gueule. Gérard, t'énerve pas. T'as vu comment tu nous parles, Gérard? Alors, tu la fermes. Toi aussi. Bah, alors, dans ce cas-là, bonne nuit. Voilà. Gérard, tu peux pas faire ça. Il y a plein de gens qui... Demandez Gérard. Gérard, tu penses que c'est un somnia qui est au drogué. C'est pas attention, Gérard. Ce genre de petite réponse. Allez, Gérard. Bah, bonjour, t'excuses, Gérard. Allez, c'est bon, vas-y. C'est bon, Gérard, pour la peine, on est tous des hétéros. Ah, ils sont tous des hétéros. Voilà. Ouais. Voilà. Allez, Gérard. Ouais, faut crier, là, parce qu'il est, Gérard, il est pas dans le cadre. Allez, Gérard. Mais tu sais pas ce que c'est, tu prends les gens pour des cons, hein. Non, seulement toi, mais... Non, mais Gérard, pour toi, tu définis les termes du débat pour toi. Pour moi, c'est... Elle commence à me les gonfler, hein. Ah, Disco Mobile, je sais, c'est la voiture à Batman. C'est ça. Elle est même sort dans la culotte d'un joueur, c'est quoi? Je sais pas. C'est ta gueule en forme de poire. Oh, je te dis. Gérard, tu remontes dans mon estime. Et que chacun réponde à leur tour, on verra. D'accord. Donc, je peux répondre, Gérard? Oui. Yamina, alors? Mm-hmm. Ouais, bah j'y vais souvent, j'essaie d'y aller au moins une fois par mois, bah, parce que bon, ça, je trouve ça un délire, quoi. Mm-hmm. Et c'est bien de se défouler un peu sur les petites dents. Mm-hmm. J'aime bien. C'est plutôt quoi comme musique? Balmusette? Sec. Valse? Valse, ouais. T'écoutes quoi comme musique en boîte? Pas ce double? À qui tu poses la question? J'y voulais. À qui tu poses la question? À toi, ma femme. À moi? Oui, mon amour. Alors, je suis plutôt, tango, j'adore. Avec la roue dans la bouche. Avec ça aussi, c'est magnifique. Et sinon, Gérard, j'aurais une question. Ouais, je t'écoute. Bon, on sait que tu vas tous les vendredis à la loco, donc c'est plutôt, la musique est plutôt techno, house et tout ça. Mais est-ce que tu vas dans d'autres boîtes, sinon dans la semaine, mais des boîtes plus classiques? Non. Jamais? Non. Et ça te branche pas? Non. Et Gérard, moi aussi, je voudrais te répondre à la question. Mmh. C'est Laurent. Moi aussi j'aime bien aller en boîte. Et qu'est-ce que tu penses de la trip-hop, tout ça? Je connais pas. Tu connais pas? Non. Et de la cheap jazz? Ouais, la cheap jazz. Non plus. Et la jungle. Non plus. Et qu'est-ce que tu penses? Et le rail. Tu te la déclenches pas. Je savais qu'elle allait dire ça. De quoi? Qui c'est qui vient de dire une musique, là? Non, le rail, le rail. Gérard, est-ce que c'est vrai que Didier Barbelivien et Anaïs se sont séparés? Alors là, je vais dire une chose. Oui, il est sorti avec la sœur de Anaïs. C'est Anaïs Morissette. C'est elle, en fait. Elle a converti en américaine. Hey, Gérard. C'est arrêté de mixer en soirée? Non. Est-ce que t'aimerais bien faire bouger la foule comme le fait Max par exemple dans la team? Ouais, avec des platines M4DOS Mobi quoi. Mais je te vois très bien, DJ. Moi je te vois bien en sandwich entre. Non, mais c'est aligné quoi, genre bonsoir tout le monde. Non, mais ta connerie avec tes sandwichs, t'en as pas marre? Non, pas du tout, mais moi je te vois bien en sandwich. Mais moi je vais te dire une chose, que tu vois tes sandwichs, que t'es gardant le cul. Oh, c'est pas le cul, Gérard. C'est pas le cul, Gérard. C'est fin. Bah non, mais c'est réponse du berger à la bergère. Alors, revenons à la question. Non, bon, disons, moi, c'est vrai que moi, je vais jamais en discothèque. Pourquoi? J'y suis allé une fois, ça m'a pas touché plus, parce que, je sais pas, je m'attendais pas à ça. En fait, le mec, il fait une musique et puis les gens, ils dansent dessus, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, pourquoi tu vas en discothèque? Moi, à ce moment-là, si je me fais ma discothèque chez moi, je mets les disques que j'aime bien, que je danse dessus comme un gogol, comme tu vois. Exactement. Non, mais c'est vrai, tu peux faire. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je suis pas même compliqué, moi. 30 secondes. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de Françoise, qui vient de faire une superbe démonstration? Ah, ouais, d'ailleurs. Françoise, dans les boîtes de nuit. Hein. D'ailleurs, Françoise, elle doit traîner vachement souvent parce qu'elle connaît vachement bien les paroles, quand même. Françoise, est-ce que tu aimes bien danser? J'adore danser. Est-ce que tu sors de temps en temps? Non, pas du tout. Tu vas en soirée? Non, pas du tout. Et tu danses chez toi? Ouais. Dans ton salon avec tes disques? Ouais. J'écoute toutes les musiques directement. T'as jamais été à la loco avec tout le monde là? Non, jamais. Avec quoi? Une bouteille de vin rouge? Pourquoi? Toi, ta gueule, celui-là qui a dit la bouteille de vin rouge. Ne fais pas attention. C'est pas du vin rouge, c'est du vin blanc. Du vin rouge ou du vin blanc, peu importe, j'en ai rien à foutre. Gérard, ouais, allez, tu me sors le avec. Gérard, oui. En fait, c'est où la loco en fait? C'est même pour ça que la Pigalle. C'est métro Blanche, c'est boulevard de Clichy. C'est plein de Blanche. Juste à côté du moulin. On va aller faire un tour demain. Tu peux pas le louper, hein, c'est clair. J'ai demain la loco? Bah oui, quelle question. Ouais, parce que fais gaffe, moi je descends. Eh, mais Gérard, ça dit pas, t'as un petit mix et tout? De quoi? Des mix avec des mixages et tout, c'est comme Max. Et Max, tu nous as dit qu'il y avait des djembés à la loco, pourquoi tu fais pas du djembé? Allez-vous tout seul en discothèque? Non, franchement, je suis accompagné de mon père. Moi aussi. Et de mon cochon d'âge. Bon, vous deux, les deux mecs, je vous emmerde et vous dégagez. Non, mais Gérard, c'est vrai. Gérard, c'est Sophia. Ouais. Alors moi, je suis allée une fois tout seul en discothèque et j'ai regretté. Mm-hmm. Maintenant, j'ai tout le temps avec des copines. Non, mais pourquoi t'as regretté la première fois? Parce que j'avais peur, en fait. J'y étais quand même, mais j'avais peur. Et je me suis fait agresser plusieurs fois, Ils vont s'affirmer un peu derrière. Gérard, c'est Laurent, je pourrais répondre. Pour l'instant, tu laisses finir la nana et après tu jacqueras. Pas de problème, c'est là. Non, Gérard, alors j'étais une fois toute seule et j'étais déçue parce qu'on se fait accoster trop facilement quand on est toute seule. Dis donc, toi, si tu verrais madame, pas tout de suite. Il n'y a pas de madame salope, d'accord? Ouais, c'est vrai, t'as arrêté. Écoute, c'est qui qui a parlé? Gérard, je peux répondre? Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, bah moi, j'ai plein de copains en discothèque. Mm-hmm. C'est super sympa, tu peux rencontrer des gens, écoute, vachement bien, quoi. Mm-hmm. Gérard, tu fais pédophile, toi. Ouais, mais après, non, mais attends, maintenant, qui c'est qui veut répondre derrière? Yamina. Ouais, Yamina. Bah moi, je me vois mal à l'endroit toute seule, parce que bon, tu sais, au début, t'as toujours... quand tu vas danser, tu veux toujours qu'il y ait quelqu'un à l'école, parce que... Bon, celui qui s'amuse à faire des conneries derrière toi. Bon, tu dégages. Non, attends, celui qui vient de rôter, hop, tu dégages. Mais fais pas attention, je réponds, mais laisse-le, quand on calculera pas, il va plus faire ses trucs, c'est tout. Moi, je te disais, quand tu danses tout seul, bon, tu sens un peu comme si t'as toujours besoin d'avoir. Enfin, je sais pas, tu fais des mouvements et tout, t'aimes bien être avec quelqu'un, t'as délire avec quelqu'un. Mm-hmm. Tout seul, t'es toujours obligé de. Il y a toujours quelqu'un qui viendra te chercher, quoi. Si quelqu'un, la personne, elle va être toute seule, elle sera toujours emmerdée, quoi. Ok. Et les filles, vous n'avez pas l'impression de péter plus que votre cul? Et toi, t'as pas l'impression de péter? De toute manière, je vais te dire une chose, de la pierre qui vient de dire les nanas, pour l'instant, c'est vous qui nous faites chier. Non, mais je sais pas pour qui elles se prennent, là. Genre, elles se prennent. Écoute. Ouais, bah, vas-y. Mais alors, on est des bouts d'antan, merde, ça y est. Non mais franchement, c'est vraiment... Je répondrai même pas parce que c'est des... Ouais, bon, c'est bon, on va aller dans la troisième. Ouais. Quel genre de musique préférez-vous? Alors, moi j'aime bien tout. C'est le genre. C'est-à-dire, Sophia? J'aime bien, mais en général, j'aime bien écouter tout. Mm-hmm. C'est-à-dire? Tout, c'est-à-dire, franchement tout. J'aime bien, sur toutes les musiques. C'est-à-dire, par exemple, ce que j'écoute chez moi, c'est surtout de la soul, des musiques de mon pays. De la soul, Marvin Gaye, quoi. J'aime bien tout ce qui est cool, Barry White. Attends, s'il vous plaît. Attends, quelle musique de ton pays? Tu fais pas de radio s'il y a des trucs qui sont dispo. Voilà. Précise-le bien, dis-le bien parce que. Là, de toute manière, il n'y aura plus rien qui sera. T'as une date précise? Ça, j'aurai ça. Attends, mais un ultimatum, il faut une date précise. Hein. Non, mais moi, je donne jusqu'au début septembre. Une date ultérieure? Début septembre, et après, je verrai. D'accord, une date ultérieure, quoi. Voilà. D'accord. Donc, je préviens, n'essayez pas de jouer sur mon dos derrière, parce que ça ira pas. D'accord. Voilà, il n'y a plus personne qui parle. Hein. Voilà. C'était... Donc, maintenant, vous avez compris l'ultimatum. Maintenant, on revient sur le débat. Je crois que là. Thème de l'été, Gérard va travailler. Oui, thème de l'été. J'ai travaillé, j'ai travaillé, mais pas pour ta gueule. Ouais, super, super, c'est bien, t'es vulgaire, c'est bien, j'adore ça. Sur une radio, ça fait vachement bien, Gérard, continue. Ouais, un maître chanteur, c'est Gérard. Ça. Ouais, c'est bien. Bah, ouais, t'as signé un pré-contrat avec Europe 1. Oui, c'est ça, allez-y. Oui. Non, mais allez-y, continuez de balancer les noms. Allez-y, balancez les noms de radio. Balancez Europe 1, Énergie. Bah oui, allez-y. Est-ce que vous préférez les musiques des années 80, 90, 70 ou 50? Moi, j'ai pas préféré les années 60. Vous savez, les années 60. Ouais, qui? Sophia. Pourquoi? Parce que ça me fait rappeler l'époque de mon père. Ouais, mais quelle musique? C'est des souvenirs, un peu de tout. Ouais, j'aime bien le temps bégayer. C'était juste des souvenirs, quoi. Ouais, mais quoi, mec? Mais quel souvenir? Les souvenirs à l'époque, mon père habitait chez nous, où il écoutait souvent ça. Oui, voilà. Mais quoi? Ça fait toujours rappeler ça. Raconte-nous ça. C'est des souvenirs, quoi. Ultimatum, Gérard, répète-le, ils n'ont pas compris. Gérard, je voudrais mettre une touche de sérieux dans le débat. C'est un ultimatum, Gérard, ils n'ont pas compris. C'est un ultimatum. Sophia? Oui? C'est ça qui vient de me répondre à la question? Oui. Alors maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi les années 60? 60-70, parce que c'est des musiques que mon père écoutait souvent. Ouais, mais quoi comme musique? Je sais pas, moi. Claude François. Ouais, voilà, non, mais Louis Sandéguy, Jimmy Hendrix, les Beatles. Ouais, mais surtout les Rubettes. Mais il se pose une question, quoi comme musique des années 60? Mais je vais répondre. S'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît. Les Rubettes. The Baby Love. Oh là là. The Baby Love. C'est là. Eh, vous êtes lourd, hein. Vous commencez à être lourd, hein. Oui. Ça commence à être lourd de faire des débats comme ça, hein. Après, alors pourquoi les années 60? Parce que ça me fait rappeler mon père, il écoutait souvent les Rubettes. C'était souvent les Rubettes. Mais pourquoi? Elle vient de te répondre, Gérard. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle son père qui écoutait les Rubettes. C'est une réponse, c'est une justification que ça change. Gérard, je pourrais répondre à la question? Gérard? Ouais, c'est Laurent. Je vais mettre une petite touche de sérieux dans le débat. Malgré les années 60, 70, 90, tout ça, je trouve que la chanson a vachement agressé de niveau. Et je dois savoir pourquoi tu te lancerais pas dans la chanson après les problèmes, en fait. Non, mais ça, je te répondrai pas. Alors, ça, c'est pas le thème du débat, toi, tu dégages. Françoise, t'en penses quoi? Ouais, Françoise. Françoise? Moi, je dis rien du tout, moi. Ah bon? Moi, j'écoute. T'écoutes? Bah, si, t'écoutes quel style de musique, quelle année et pourquoi? J'écoute la question de Gérard. Johnny Hallyday. J'écoute Johnny Hallyday, j'écoute Franck Gall, Toto. Automatiquement, Coco. Ah, bah, automatiquement. Automatique. Claude Assain, bon, les Rebettes, ça je les connais. Le groupe Téléphone. James Bond. James Bond. James Bond, t'as connu James Bond? Ouais. Celui-là qui chante là. Ah, le noir. Qui est là, qui est l'on-up? Ouais. Avec la machine? Celui qui est dans le film de la fond de la rivière, quoi. Exact. Ouais. Mais sinon. Qu'est-ce que je peux. Les Poppies. C'était de mon temps. Ça a été repris, il y a une chanson qui a été reprise, il n'y a pas si longtemps que ça. Laquelle? Non, je ne veux pas faire la guerre. C'est une question, c'est vrai. Non, je ne veux pas faire la guerre. Non, je ne veux pas. Non, c'est. Je pense pas que ce soit une apopie. Je suis désolée, hein. Attends. Non. Ah non, c'est. Non, déjà, tu peux chanter, ne regrette rien. Tu peux chanter, Françoise, pour voir? C'est pas non. Chante-nous pour voir si c'est ça. Non. Tout a continué. Non, rien n'a changé. Tout a continué. crois avec tous ces mots là là là. Bah ben, c'est pas du tout pareil hein. Allez, c'est pas du tout pareil. Allez. Ouais, mais là c'était les popis. Oui mais dans ces cas là c'est pas ce que tu m'as dit avant. Ouais, mais là, là, c'était les groupes, ouais, les copies, c'était ouais, dans l'autre. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Moi, je crois qu'avec tous ces mots-là, là, là, la vie en avance. Et ainsi de suite, hein. Donc, c'est pas du tout ce que. Pas du tout pareil. Bon, si on revenait un peu sur le débat. Ouais. Merci. Donc, Bravo, Gérard, pour l'écho. Ouais, tu sens bien. Non, mais c'est pas moi qui fais l'écho, donc c'est chez vous. Donc, Non, Gérard, j'ai. Bien le duo avec le gros fond, là, si vous faites les bourdons. Est-ce que vous allez en discothèque pour danser ou pour vous amuser? Pour draguer. Ah oui. Ah, ça, oui, il y en a ça. Ouais, merci pour l'écho. Celui qui a sa radio, il faut que tu l'appelles d'ailleurs. Oui, parce que là, je crois que ça sera pas possible. Hein. Donc, est-ce que vous allez en discothèque? Est-ce que vous allez en discothèque pour danser ou pour vous amuser? Je peux répondre? Oui. Non, okay. Alors, les minables vont me défouler, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, donc, pour t'amuser? Ouais, pour m'amuser. Ok. Gérard, ouais. Ouais, c'est le petit copain de Martine de tout à l'heure, les Provençaux, Sébastien. Ouais. Il dit, on n'a pas fini. Nous, on avait surtout la fin parce que, bon, on veut bien mettre de l'argent, tu vois, pour les soirées, pour les jeunes, pour que ça bouge, qu'on s'amuse, qu'on s'éclate. Mais il y a un truc qu'on te reproche, c'est que tu prends quand même 50% des recettes sur chaque soirée. Bon, bah, toujours, bah, tu sois dégueulasse, c'est dégueulasse. Que tu gueules à l'antenne, qui arrive pas de faire des conneries avec la thune que tu te fais. C'est un mec qui roule en BM et pub dans toutes c'est les ça, soirées. C'est ça, t'as raison, mais attends. Mais et t'arrives, t'as tout le monde au standard, donc tu comprends. Non, tu la fermes, c'est pas le thème du débat, alors. Non, c'est payé. C'est bon, tu retournes chez toi, tu vas voir avec Martine si j'y suis. Pardon, ah, attends, Martine, elle va très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, allez. Dégage, je sais tout. PD, va. Prends-le, mes connards. Gérard, pose une autre question. Fais pas attention. Attends, tu vas t'excuser maintenant. Non, mais attends, tu crois que je vais m'excuser devant toi, espèce de petit con? Attends, tu dégages. Gérard, l'indifférence est la meilleure des armes. Ne fais pas attention, sérieux. Voilà. Ah ouais. Attends, s'il est pas content, il retourne chez lui et c'est tout. Il n'y a rien qui est d'appeler. C'est pas le thème du débat. Ok. Gérard? Quoi? Je suis chez moi. Ben, tu raccroches ton téléphone et tu la fermes. Ça vaudra mieux pour toi. Ok. Bon, alors maintenant... discothèque, vas-y. Alors, est-ce que vous y allez pour vous amuser ou pour danser? Alors, Sophia, je peux répondre? Oui. Alors, moi, j'y vais pour m'amuser. Mm-hmm. Et j'y vais aussi pour draguer. Mm-hmm. Gérard? Oui, je t'écoute. C'est Martine, j'ai fait tout en même temps. Gérard? Et toi, tu vas pour quoi, une discothèque? Pour les toilettes? Les chats de la loco? Gérard? Est-ce que tu insinues par là? Ben, je sais pas, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui disait que... Alors, c'est dans certaines soirées. Non, attendez ça, elle, je lui dis avec son copain qu'elle veut se faire foutre, c'est mais pas la peine. Mais tu parles pas comme ça de mon mec, c'est dégueulasse. Ouais, ça. Tu dégages. Non seulement on perd du fric, tu dégages, je veux pas de toi. Ah non, non, t'as répondu. Oh, ouais. Tu me parles pas comme ça, Jean. Moi aussi, je veux. Eh ben, moi aussi, si je veux. Alors, dans ce cas, tu fais pas partie du débat, tu dégages, tu vas voir chez... Non, ça va pas. Tu vas t'amuser avec ton copain. Gérard, moi je peux répondre. J'arrive très bien avec mon copain. Oui, alors, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ton copain? Et t'as peu de foot, pas. Dans ce cas-là, tu vas. Non, mais t'as pas répondu à ma question, Gérard. Qu'est-ce que tu fais dans les discothèques? Je ne répondrai pas à ta question, d'accord? Gérard, je voudrais répondre à ta question. Faire des soirées bidons. Moi, je voudrais répondre à ta question, Gérard. Bidons. Si. Qui c'est qui parle? Laurent. Ah, vas-y. Moi, je suis ni pour m'amuser, ni pour danser, mais pour aller dans les toilettes. Tu vas voir Gérard? Non, pour aller pisser. Ah, compris. Que pour aller pisser? Ah, ouais, pour aller pisser, parce que les chiottes sont plutôt agréables, on y rencontre des gens plutôt sympas. Ouais. Ah, ouais, c'est des rencontres. Dont certaines personnes que je ne citerai pas. Pareil. D'accord, on peut aller? Continuez comme ça. Non, Gérard, mais t'énerve pas, je dis pas que c'est toi. Mais quand même. Une fois. Deux fois. Il habite à Turenne? Je ne peux pas dénoncer, c'est hyper rare. Non, pas de délation, s'il vous plaît. Non, qui est-ce, je vais aimer. A-t-il une moustache? Non, je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur le débat. Donc, Gérard, j'aimerais bien que tu poses la question d'après, s'il te plaît. Non, mais tant que tout le monde n'aura pas répondu et que Martine et son copain se sont dégagés, on verra. Mais bon, en fait, je vais en discothèque pour baiser, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt sympa. Dans les toilettes, je vais se charmer des petits culs à la maison et je vais dire qu'il est trop, qu'il est retente dans le canapé et bien que ça bouge. Une grosse cochonne et tu vois le travail, quoi, Gérard. Non, mais attends, mais déjà. Ça, c'est encore en plus. Hein. Voilà, tout à fait. Non, Gérard, on dit pas ça, parce que sinon je vais dire des trucs qui ne te plaisent pas. Dis pas juste ça, Gérard. On a Martin sur l'antenne. Ouais, c'est bizarre, parce que Sophia, t'as répondu à la question. Ouais, c'est vrai. J'ai répondu, moi. Tu Caroline. C'est normal qu'on ait un Martin. Caroline. Y a plus Caroline. Il n'y a plus de Caroline. Caroline, ça fait longtemps qu'elle était partie. Elle a été remplacée par Polo, ensuite par Martine et Sébastien. Et maintenant, on a Marlène. Marlène Jobert. Marlène, bonsoir. Pas Marlène Jobert. Guipo. Oh, c'est bon, bonsoir, c'est qui? Tienne. Salut, Emma. Bonsoir, Marlène. Salut, c'est Sophia. Salut, Sophia. Salut. Marlène de la Bombe. Salut, ma cochonne. La Bombe, mais pas celle que tu crois. La Diago. Bonsoir, Marlène. Si je pouvais quand même dire bonsoir. Voilà, je suis Gérard, il est intéressé. Ouais, non, mais attendez, pour l'instant, c'est pas vous qui me mettez le débat, c'est ma cochonne. Bon. Vas-y, Roswell. Vas-y, Gérard, continue ton débat, s'il te plaît. Alors, pense. Gérard. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous allez. Non, laissez-le poser une question. Ça, Gérard. Bah, c'est bon, ouais. D'accord, tu vas la calmer quand je pose mes questions. Ouais, tu es parler, Gérard. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un en discothèque, votre petite amie? Oui, Gérard, moi, oui. Ouais, moi aussi. Voilà, c'est bon. C'est là qu'on moi, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, sortez à votre tour et vous donnez vos noms parce que ça commence à me prendre la tête, là. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Qui? Oui, en tout cas, pareil. Je pense que c'est la même personne. Dans les toilettes. Qui? Laurent, j'ai rencontré quelqu'un dans les toilettes et moi aussi, c'est pareil. Qui? Laurent. Ouais, mais qui t'as rencontré dans les toilettes, c'est ça ton con? Ah, moi, il y a l'histoire de Toblerone. Ouais, bon, d'accord. Ouais, c'est bon, parce que c'est à peine reconnu, toi. Bon, Marlène. Marlène. Gérard? Oui. Oui. Alors? Non, mais j'écoute ton débat. Non, mais tu peux répondre aux questions, hein. Faut pas être content de l'écouter, hein. Oui, mais je suis d'accord, mais. Je voulais d'abord écouter ça, ça fait un peu les choses. J'ai l'arrivée, hein. J'ai pas accroché, j'ai ripé, la peur. Bon, allez. C'est positif. On va mettre un liste. Non, Gérard, en studio là, Gérard. Mets un ultimatum pour te débattre. Mets un ultimatum. Mets un ultimatum. Mets un ultimatum. Mets un ultimatum. Allez, connard. Non, sérieux. Gérard, t'as un ultimatum au moins. Ah, non, je te permets. Si, Gérard, viens, Gérard. Il n'y a pas de casque. Non, si, enfin, il entend. Allez, Gérard. Gérard, avec Sophie, on a été bien, mais genre, ouais, c'est vrai, tu peux pas. Gérard, tu prends ta manette de radio et tout ça. Gérard, je crois qu'il y a une fille qui veut te parler. Il y a une fille qui comprend pas, elle voudrait te parler. Gérard, on a été bien avec Sophie, on a été bien. Ah, mais je comprends, Gérard, que tu veux plus rentrer dans le studio à côté de l'autre ton. Gérard. Mais connard, tu lâches pas lui, d'accord? Mais tu Non, tu t'excuses, je suis désolé. T'as entendu ce que tu viens de dire? Est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire? Il faut pas te laisser faire comme ça. Allez, qui va de l'heure, Gérard? Eh, c'est quoi ton emploi de radio? Ça me fait rire. Continuez, continuez. Allez, capitaine Flamme. Voilà, Gérard, c'est bien parce que t'es poli. Bah, continuez. Toi, tu es poli, ça me dit. Attends, pareil. En deux secondes, vas-y. Moi, je vais te répondre dans ces cas-là. Vas-y. Faudra peut-être quand je pose des questions, faudra peut-être répondre aux questions que je poserai. Surtout les préparer les débats. Peut-être bien les préparer les débats. Non mais c'est déjà préparé. Maintenant si tout le monde, si j'ai eu que de la merde ce soir, que tout le monde a répondu hors les questions, c'est pas bon. Mais regarde, par exemple, on demande ton avis personnel, tu dis non, c'est bon. À la rentrée, on va rattacher à ce que ça évolue la rentrée obligatoirement, sinon on sera obligé de faire ça tous les 15 jours et sinon Françoise viendra prendre la relève avec un débat une fois par semaine à la place de Gérard. Bon, sinon quelqu'un d'autre viendra faire les débats. Si on recommence exactement de la même manière, je crois que ça évolue de toute façon. Ouais. Très bien, merci Paul et bonne bourre. Salut Sophia. Gérard, alors moi je veux que tu refasses des... Oui, c'est ton micro, merci Julie. J'aimerais que tu refasses des débats à la rentrée, Gérard. Avec plus de cannes, avec que des filles, parce que les mecs sont trop bruyants. Non, c'est pas possible. Ça va devenir des débats à l'eau de rose, on n'est pas là non plus pour ça, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie d'entendre des filles qui répondent sérieusement à des questions, parce que c'est vous quand même qui soyez. Ouais, en fait, les filles, on est sérieuses, quoi, en fait. C'est souvent les plus chiantes dans les débats, oui. Je te le cache pas, oui. Super. Hein. Voilà. Ok, je l'avais à dire. On a Laurent. Ouais, super, Gérard, bah, je dois dire que c'était quand même la découverte de l'année, Gérard. C'est clair. La star, quoi, faut dire. Je suis allé la chercher, je peux vous dire, ça fait deux ans que je travaille dessus. Hein. Ouais, c'est du boulot, Max. Oh, c'est pas gagné, hein. J'ai fait la moitié, là. J'ai perdu beaucoup, hein. Ces trois derniers mois, on a perdu plus que ce qu'on a gagné. Hein. Non, mais aussi, je voudrais dire à Gérard, il faudrait quand même que tu te calmes l'année prochaine. C'est clair. Parce que la crise cardiaque, si tu continues comme ça, ça va peut-être s'attarder. Ouais. Donc voilà, quoi. Et sinon, t'as été super toute l'année, Gérard. Il y en a un qui est pas mal intervenu dans les débats qui voulait faire sa conclusion, c'est Caramel. Comme par hasard. Comme par hasard qu'il a... Ouais, c'est bon, Gérard, je peux faire ma conclusion. Merci. Ça a été mauvais toute l'année. Surtout ce soir. Donc, sur au repas, on espère que ça se passera très bien. Voyons, continue de balancer, là. C'est bien. Maintenant, si tu veux pas que ça se lâche, tant pis. Maintenant que tu l'as balancé, c'est... Voilà, tout le monde le sait, donc Gérard, ça sera au repas, c'est ça? Ah, merde. Non, attends. Non ou pas? Ils n'ont jamais de nouvelles, c'est pas là de la semaine, ça se trouve que c'est peut-être pas de la semaine, dans ce cas-là. Non, il n'y a pas besoin d'avoir des preuves de la droite X ou Y, tu vas venir de la semaine, donc ça veut dire peut-être que tu es en train de signer des contrats. Non. Caramel, nous suivrons cette affaire de très très près, un dossier très délicat et explosif. Oui, moi je voulais remercier Max d'avoir formé Gérard, parce que c'est un gros salaud, il part à Europe 1, et je voudrais qu'il dise bonjour à Michel Thiel de ma part. Alors je veux dire une chose, je suis un gros salaud et toi t'es un gros PD. Non, c'est terminé, voilà, c'était la conclusion de notre ami Gérard, petite conclusion, après on laisse l'antenne. La conclusion, c'est que je vous souhaite à tous de bonnes vacances et on verra ça à la rentrée septembre. Ah, ça ne sera pas de la même manière, si tu peux me croire. Hein. Ouais, justement, on va en discuter après. Okay. Donc, bonnes vacances à tous. C'est un petit peu moins stable, il faut regarder un petit peu moins le nombril, hein. Il n'y a pas besoin d'en discuter, hein. C'est dans ta tête que ça se passe. Hein. Non, on verra ça à la rentrée. Bon, c'est toi tout seul, mon pote. Et Françoise, est-ce qu'on aura le plaisir de se retrouver à la rentrée? Peut-être demain même, pour la dernière, à l'antenne, en direct. Pas ici dans les studios, hein. Au téléphone. Ok, très bien. Gérard, demain aussi en direct, hein, quand même. Hein. La dernière, au téléphone. Demain, on se bat. Non, au téléphone, faut tout le monde, moi je veux tous mes auditeurs. Hein. C'est tout l'appel. C'est l'artifice demain. Hein. On verra. Avec un petit poème inédit pour demain, merci Gérard d'avance. Il y en a trois déjà qui sont prêts pour demain. Pour demain, génial. Et François, une petite recette de cuisine pour me faire plaisir pour demain. Ah non. Tu me fais une recette Star System. D'accord. Merci d'avoir passé la nuit avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière du Star System pour cette saison. Ensuite, on fera un point assez long. Alors, ne soyez pas tristes d'avance, mais on ne nous entendra plus pendant un bon petit paquet de temps. Demain, à partir de 22h. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Merci Gégé, merci Françoise. Merci à tous ceux d'être venus sur Fun TV. Merci Olivier pour la réalisation. Merci à Philippe, l'homosexuel. Philippe pour la réa et toute l'équipe et tout le staff combien généreux ce soir. De merci à tous ceux qui sont quand même venus pour la dernière ce soir.